Que cet après-midi vous soit douce, restez avec nous, on écoute ensemble Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante, au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Le monde est certainement en train de vivre un de ces moments les plus dramatiques, un de ces moments où on entend battre le cœur de l'histoire. Moi, j'ai été blessé deux fois. Et à un moment, ben, j'ai repris connaissance, il parlait plus la même langue. J'étais chez les Chinois. Cette semaine, la Corée. Je pense que le débarquement d'Incheon a été la phase essentielle, sinon une des phases essentielles de la guerre de Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. More than ever before against this kind of sneak attack. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée. En Corée, on a coutume de dire « Dès lors qu'on mange de la soupe de Daegukguk, on vieillit un an de plus. » Passant outre son obligation de réserve, le vieux guerrier Douglas MacArthur a proclamé à grand roulement de tambour qu'il fallait porter la guerre dans le sanctuaire mandchou. Il a ainsi appelé à un blocus des ports chinois, créé tout un imbroglio au plan diplomatique par son soutien au leader de la Chine nationaliste de Formose, le général Chiang Kai-shek. Il a exigé des renforts massifs des États-Unis. Truman, de son côté, veut éviter de provoquer l'ours soviétique, même si celui-ci, encore frappé de stupeur par la mort de Staline, est resté en retrait du conflit coréen. Mieux vaudrait ne pas le chahuter. C'en est trop, le général Douglas MacArthur a perdu la bataille devant le président, son président, Harry Truman. MacArthur, partisan d'une solution absolue vis-à-vis de la guerre en Corée, est relevé du haut commandement des forces des Nations Unies et envoyé à la retraite. MacArthur quitte la scène sur des mots gravés dans l'histoire, prononcés devant le Congrès en avril 1951. « Les vieux soldats ne meurent jamais ». L'obsession de Truman est de ne pas risquer de déclencher une troisième guerre mondiale. La guerre de Corée est désormais rentrée dans une nouvelle phase. Une phase faite de temps d'attente, ponctuée de moments de tension extrême. Au milieu, les civils continuent de subir la guerre dans toute son horreur. Voilà un an que la guerre a commencé au pays du matin calme. Chapitre 1. On l'avait appelé la der des der. Et pourtant, pour beaucoup, la similitude entre la guerre de 14 et cette guerre de Corée est frappante. Les combats au corps à corps, puis ces immenses rouleaux de barbelés, ces tranchées, ces sacs de sable qu'on entasse les uns sur les autres en se gardant une case vide pour scruter l'ennemi en face, l'impression est bien d'être revenu au début du siècle. Et puis il y a l'artillerie. L'artillerie qui ne cesse d'être sollicitée. Et encore, et toujours, les vagues humaines. Ces vagues de combattants chinois se ruant à l'assaut et dont Pierre Collard se souvient. Alors là, le déferlement. Le déferlement où on voyait même les half-track de DCA tirant à quatre mitrailleuses jumelées à la 12-7, bande sur bande, et par le moins 20, moins 30, les canons chauffés. Et même rougir. Les munitions s'épuisaient. L'appui aérien insuffisant malgré des napalmages rapprochés de jour. Et puis finalement, au bout de 4 jours, l'essoufflement de la troisième nuit, l'essoufflement des Chinois et leur disparition comme ils étaient venus. Et nous, une libération que nous n'espérions plus. Il faut bien le reconnaître, les munitions s'épuisaient et tout le monde parlait de faire Cameroun, ce qui aurait fait plaisir sans doute au général Monclar. Mais à 22 ans, on n'a pas envie de le faire. C'est quoi faire Cameroun ? Eh bien, c'est se faire tuer sur place, comme les grands anciens. Oui, il y a bien quelque chose de la guerre comme avant, dans cette guerre-ci. On a beau être d'un autre pays, français ici, britannique là, les témoignages se croisent. Nous nous étions installés dans une guerre de position. Le maréchal Lord Alexander, qui est venu nous rendre visite, nous a dit, vous savez, ça me rappelle beaucoup les tranchées de la guerre 14-18. Effectivement, nous étions bien retranchés, entourés de barbelés et de mines. Notre plus gros problème était la température. Mais les ressemblances s'arrêtent bien là. Cette guerre appartient bien à son siècle, à ce 20e siècle malade des idéologies. Les prisonniers aux mains des Chinois vont bientôt en mesurer toute la dimension. En attendant, la ressemblance avec la guerre de 14 réside aussi dans l'usure, dans cette guerre des nerfs où le premier qui flanche sera sûr d'avoir perdu la partie. Mois après mois, on défend le même bunker, la même parcelle de terrain. Mois après mois, conviés à un immobilisme quasi total, les combattants voient leur mort s'accumuler sans que jamais une quelconque solution ne semble vouloir venir. S'habituer à cela, c'est commencer à perdre la raison. Si vous êtes une personne un peu sensible, vous n'êtes pas à votre place au combat. Et si vous êtes sensible, cette sensibilité est vite balayée par le combat qui se déroule. Vous voyez vos copains mourir sous vos yeux, des gens tomber de tous les côtés et lentement, mais sûrement. Vous habituez à ce genre de vie. Tiré de la bande originale du film They Died With Their Boots On, voici une mélodie populaire irlandaise qui fit son apparition sur les champs de bataille de la guerre de sécession, mais qui est surtout connue comme l'hymne du 7e de cavalerie. George Armstrong Custer le fit jouer pendant le massacre du village Cheyenne sur la Washita River, une vraie boucherie en musique. Lancent une nouvelle offensive dès le printemps. Une fois encore, les vagues humaines sont attendues avec appréhension. Mais cette fois, la réplique décidée par le commandement américain est d'une toute autre nature. Je crois que c'est ce qui s'appelle le massacre de mai. Dans la nuit, devant la position, l'artillerie américaine a tiré 24 000 coups de canon. Le massacre de Chinois a été extraordinaire. Et je me rappelle que le deuxième soir, quand on leur a demandé ce qu'on pourrait avoir comme appui d'artillerie pour la nuit, ils m'ont dit la même chose que la nuit précédente. Le paysage de la Corée du Nord est devenu une lande lunaire trouée de cratères. Les morts, militaires et civils, ne se comptent plus. On en est là quand un grand absent de la scène internationale fait brusquement son apparition par la bouche de son représentant aux Nations Unies, Jacob Malik. The Soviet people believe that as a first step, le peuple soviétique pense que les premiers pas d'une négociation doivent être accomplis par les belligérants, par un cessez-le-feu et une armistice en proposant le retrait des troupes au-delà du 38e parallèle. Repartir chacun de son côté, de part et d'autre du pointillé. Voilà un beau projet en perspective. Les deux parties se sentent-elles prêtes à une telle rencontre ? En fait, oui, car les combats, à l'évidence, avec leur succession d'inversions du rapport de force, débouchent depuis longtemps sur une série d'impasses. Ni la totale domination numérique, ni l'écrasante supériorité logistique ne viennent à bout de l'affrontement, l'on décide donc de se rencontrer. Mais entre se rencontrer et s'entendre, il y a parfois un monde. Taichita, ou littéralement, grande musique soufflée et battue. Il s'agit d'un morceau du répertoire de la musique traditionnelle militaire coréenne sous le règne de la dynastie Yi, règne qui s'étend de 1392 à 1910. Il était joué lors des processions, des parades militaires et des marches triomphales. Il est interprété ici par l'ensemble de musique traditionnelle de Séoul. We'll be right back. Chapitre 2. Négociations politiques et enjeux humains. Les négociations initiées par les Soviétiques entre forces des Nations Unies et nord-coréennes commencent à Kaesong. Mais dès leur début, les représentants des Nations Unies savent qu'ils ne seront pas au bout de leur peine. Le missionnaire Horace Underwood témoigne. Quand nous sommes allés pour la première fois à Kaesong, nous avons dû mettre des drapeaux blancs sur les jeeps, car les Nord-Coréens avaient l'air de penser que le commandement des Nations Unies était venu pour se rendre. Notre première rencontre a eu lieu dans un restaurant coréen, un salon de thé, vraiment un joli endroit. La table était mise, il y avait des chaises style nord-coréen, assez standard. Mais les chaises qu'ils avaient préparées pour la délégation de l'ONU étaient plus basses. Aussi, ils pouvaient nous regarder de haut, ce qui leur donnait un avantage psychologique. Les forces de l'ONU résumaient que le Nord était prêt à abandonner, qu'il serait prêt à se mettre au travail et à signer tout de suite un accord. Et je pense que tout le monde s'attendait à ce que cela se passe en 2 ou 3 jours, ou au pire en 2 semaines. Le premier problème qui s'est posé, c'est celui de l'ordre du jour. On a mis 18 jours à le fixer. L'ordre du jour des Nord-Coréens ne comportait que des conclusions. Établir la ligne de démarcation sur le 38e parallèle, échanger tous les prisonniers de guerre, retrait de toutes les troupes étrangères, c'était simplement une suite d'ultimatums. Et le problème était de savoir comment s'en acquitter, alors que le commandement de l'ONU avait lui proposé ce que nous considérions comme des questions normales d'ordre du jour. Devant l'impasse, les combats reprennent aussitôt, à l'avantage cette fois des Nations Unies. On finit par revenir à la table des négociations. On arrive en octobre. Cette deuxième étape des négociations est un véritable duel, une lutte de propagande. En jeu, les prisonniers, les 9000 prisonniers retenus dans le camp communiste. Un tiers ne reviendra pas. Voici quelques paroles de prisonniers. Moi j'ai été blessé 2 fois. À un moment, j'ai repris connaissance, il parlait plus la même langue, quoi. J'étais chez les Chinois. Et alors là, on est resté attaché du 7 octobre jusqu'au 24 novembre. J'ai eu 31 jours d'interrogatoire, et on a été opéré 64 jours après sans anesthésiant, sans rien. Et puis après, on s'est retrouvé directement mis dans les camps, Mais alors, on n'était pas avec les autres prisonniers français. Et ils nous ont mis dans un camp, si vous voulez, au fur et à mesure, ils créent un nouveau camp de manière à ce qu'on ne puisse pas donner de nouvelles fraîches aux autres. À un moment, les Chinois nous avaient fait asseoir dans un fossé. C'était quand même l'endroit idéal pour une fusillade ou une exécution. Et tous, on était fermement persuadés qu'on allait se faire descendre. Un de mes amis, Spears, c'est son nom. Il lui restait des cigarettes. Je n'en avais plus. Il lui en restait 17. 17 Philip Morris. Alors on s'est assis et on a fumé nos 17 cigarettes. On se disait que tant qu'à se faire descendre, ils n'auraient pas nos cigarettes. En fin de compte, bien sûr, ils ne nous ont pas descendus. Ils sont juste venus nous piquer nos montres. Dans les premiers jours, les premières semaines dans le camp 5, nos mains étaient gelées. Nos doigts étaient gelés. Rien que de serrer la main et le doigt tombait, comme un morceau de glace ou quelque chose comme ça. Ils avaient l'habitude de venir nous compter dans les baraquements, et si quelqu'un était mort, le lendemain, on le faisait se tenir debout. S'il était mort durant la nuit, comme ça, ils le comptaient. Et on avait une ration de plus. Je me souviens d'un détail. C'était pour l'enterrement d'un mort qui s'appelait Duke Hill. 4 hommes avec une couverture enroulée autour de 2 bâtons, un genre de brancard, portaient le mort. 2 d'entre eux seulement sont revenus car les 2 autres sont morts en chemin. On mangeait pas beaucoup. On faisait des corvées de bois. Et puis le reste du temps, on avait des conférences politiques, des endoctrinements, quoi, pour nous expliquer tout d'un. On a quand même été gâtés à un moment, parce que le jour de la mort de Staline, on a touché un œuf dur. Jour de fête. Il n'empêche, les cours d'endoctrinement font désormais partie du quotidien des prisonniers. Des prisonniers qui se voient répartis par catégories, non seulement raciales, mais également politiques. Selon que l'on mordra plus ou moins à l'hameçon communiste, on aura une chance d'être perçu ou non comme un impérialiste récupérable ou à mettre à la poubelle. Mais voilà, du côté des autres prisonniers retenus par les Nations Unies, on assiste à une toute autre donne. Celle de centaines de prisonniers chinois qui ne veulent en aucun cas, au terme des négociations diplomatiques, repartir en Chine. Dans mon camp, la majorité était communiste. Un de mes camarades de captivité parlait l'anglais couramment. En fait, il avait un diplôme d'anglais et il était l'interprète du camp. Mais il soutenait les communistes et cela nous dérangeait. Nous lui demandions pourquoi ne pas refuser de retourner en Chine et venir à Taïwan à la fin de la guerre. Il ne voulait pas. De temps en temps, nous lui demandions d'être notre interprète avec les Américains. Soit il refusait, soit il traduisait délibérément mal tout ce que nous disions. Et nous le haïssions pour cela. Et un jour, nous l'avons tué. Tout simplement. Après qu'un responsable des camps ait été retenu par ses propres prisonniers, l'armée américaine fait une entrée en force dans les camps et tue les prisonniers. Ces actions émeuvent profondément l'opinion publique. Les certitudes commencent à défaillir, singulièrement dans le camp occidental. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les choses étaient plus nettes. On commence là de plus en plus à se demander le pourquoi d'une pareille guerre. Un avant-goût du Vietnam, en quelque sorte. Et les batailles qui suivent commencent à trouver des surnoms qu'il n'est guère besoin de commenter. Robert André Vivien nous parle de l'une d'entre elles, Crève-Cœur. Les renforts qui arrivaient étaient des jeunes bleus qui avaient eu entre 60 et 90 jours d'entraînement aux États-Unis et on les débarquait, ils montaient en ligne et une heure, deux heures, cinq heures après, ils redescendaient dans les sacs à viande, dans les ponts de chaussée. Et en voyant cela, un officier de liaison qui était là a dit « Ah, c'était un crève-cœur ». Et c'est de là où vient le nom. De voir tous ces jeunes soldats américains, parce qu'on oublie trop, qui se sont fait tuer après une heure, deux heures, quatre heures, cinq heures. Faire la guerre, c'est un métier, c'est un rude métier. War, par Edwin Starr. Repris plus tard par Bruce Springsteen, ce titre montre l'absurdité de la guerre. Guerre, à quoi sers-tu ? À rien du tout. It ain't nothing but heartbreaker. What? It's got one friend. Chapitre 3. Le retour d'un vieux de la vieille. Il a bâti une grande partie de sa campagne autour de cette guerre en Corée et c'est en ancien héros de la guerre qu'il succède à Truman à la Maison-Blanche. Voici Ike Eisenhower. Eisenhower est un militaire. Il reprend le raisonnement où MacArthur avait été contraint de le laisser tomber. Mais, à la différence de MacArthur, il n'a cette fois plus personne au-dessus de lui dans la hiérarchie. C'est donc sans hésiter qu'Eisenhower brandit la menace nucléaire, et cette fois en s'adressant directement à Pékin. Dès lors, les négociations vont aller bon train et la situation enfin s'accélère. Durant tout l'automne 1952 et le début du printemps 1953, on s'est peut-être rencontrés une fois par mois. Rien de nouveau ? Non. Ok, levons la séance. Je pense que la négociation la plus courte a duré 15 secondes, si je me souviens bien. À la fin, une proposition d'échanger les malades et les blessés a été faite et qui n'a soulevé évidemment aucune polémique. Cette opération a eu lieu à Little Switch en avril et a ouvert la porte à la signature de la paix définitive et au rapatriement des prisonniers en juillet, après la signature de l'armistice. Sitôt signé, sitôt rentré. On a fait passer la ligne de démarcation à Panmunjom. Et ensuite, tout de suite, on s'est retrouvé en avion directement à Tokyo, où on a été reçu évidemment par la mission française. Et puis le lendemain, on a repris l'avion et on s'est retrouvé à Paris. Vraiment dépaysé. Hein. L'arrivée à Orly, ça n'a pas été triste non plus. Hein. On se demandait si on rêvait. Quoi. Ça s'est passé très très vite. Parfois, en 48 heures, ces jeunes gens se retrouvent du lointain pays calme où ils viennent de vivre l'enfer, à la quiétude de leur pays natal, ébahis dans l'aéroport rempli de touristes. Contraste saisissant dont beaucoup auront quelque peine à se retrouver. Après 3 ans de combat, la Corée, quant à elle, est plus que jamais divisée de part et d'autre du pointillé. Demain, rencontre avec Tom Roberts. Il est l'auteur d'un film intitulé « Crimes de guerre en Corée ». C'était « Histoire vivante ». Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mamy. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zucker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.